dois-je enfin éprouver le secours de vos chaînes? Allez, allez, l'enfer va répondre à vos vœux. Après de mortelles alarmes, il est l'unique espoir qui reste au malheureux.